Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la production et la vente de cidre au Québec. Ça demande un capital énorme pour partir une ciderie. Et le problème, c'est qu'un gros montant d'argent, puis les ventes sont limitées parce qu'il y a juste le marché québécois. On n'a pas exporté encore. Quelques caisses au Japon, mais on ne peut pas dire que c'est encore... Puis le cidre n'est pas une boisson nationale. Mais non. On ne remplace pas la bière ni le scotch avec du cidre. Le pomiculteur de la région de Mont-Saint-Hilaire, Thomas Lahaise, est plus que pessimiste, vous venez de l'entendre, sur l'avenir du cidre dans cet extrait de l'émission D'un soleil à l'autre en janvier 1975. Cette période correspond pourtant à une sorte de renaissance du cidre au Québec avec la légalisation de sa production et de sa vente quelques années auparavant, en 1970. Il faut dire que l'histoire du cidre n'en est pas à une contradiction près chez nous. Autant les premiers colons qui débarquent en Nouvelle-France en transportent, par exemple, avec eux, autant le cidre va rester durant toute la période du régime français, un alcool de substitution auquel on va préférer le vin ou l'eau de vie. Et s'il se boit un peu plus de cidre sous le régime anglais, ce cidre-là, il n'est pas fait au Québec, il vient largement d'ailleurs. Enfin, l'histoire du cidre au Québec durant le 20e siècle, c'est au fond l'histoire d'un alcool tombé dans l'illégalité, en quelque sorte, par accident. Puisqu'on parle de cidre, avez-vous été contrebandier? Maintenant, vous pouvez le dire. Oui, ça fait 30 ans, oui. Ça se faisait comment, la contrebande, pour qu'on ne perde pas la façon, là? Les gens venaient acheter ça dans la cave chez vous, quoi? Absolument. Et les gens qui étaient moins hypocrites allaient en vendre à Montréal. Et j'étais de ceux-là, moi. J'allais au marché de détail dans le temps et j'avais des bouteilles de cidre sur mon étalage. Est-ce qu'on fait le cidre comme dans le temps de la contrebande, M. Jodoin? Bien, disons que je pense que, premièrement, la matière première, c'est pas la même chose. Ah, mais, avec quelle pomme on fait le cidre? Bon, aujourd'hui, c'est surtout de la McIntosh, de la Lobo, de la Cortland. Comment ça se fait que les Français de Normandie, ils nous disent que c'est de la petite pomme pas bonne à manger avec laquelle on fait le cidre? Sûr, puis est amère. Pardon? Oui, c'est ça. Alors, nous autres, c'est des pommes, surtout des pommes de terre, alors c'est des pommes qui sont un petit peu plus sucrées, qui ne sont pas amères du tout. Oui, alors est-ce que ça donne un meilleur cidre que celui en Normandie? Alors, je suis certain qu'on est meilleur que les autres. Êtes-vous étudié? Êtes-vous allé en Normandie pour le voir? Oui. Et puis? Moi, je trouve que le cidre de Normandie, il est excellent, sauf que au niveau de la qualité, il y a un petit manque là-dessus. Là. Un gros dépôt dans le fond de la bouteille, la qualité est plus ou moins égale. Continuez, là. Vous allez venir me dire à moi, ici ouais. présent, que mon père est né dans le Calvados, que le cidre de Normandie est moins bon que le cidre du Québec? Je suis entièrement d'accord là-dessus. Ben OK, moi aussi d'abord. L'animateur Joël Lebigot qui cause cidre avec le pomiculteur Jules Bessette et le producteur de cidre Michel Jodoin à l'émission CBF Bonjour le 29 septembre 1993 pour nous raconter l'histoire du cidre au Québec. Je reçois l'historienne Catherine Ferland, auteure, je le rappelle, de Bacchus en Canada qui a été publié aux éditions Septentrion en 2010. Catherine Ferland, bonjour. Bonjour. Avant de parler de l'histoire du cidre chez nous, en Nouvelle-France, éventuellement au Québec, un mot sur les origines du cidre. Ça commence quand? Quand est-ce qu'on commence à boire du cidre et où est-ce qu'on commence à en boire? Qui boit du cidre? À partir de quand? En fait, c'est difficile de savoir exactement qui a inventé le cidre, hein, parce que vous savez, Jacques, ces belles substances-là, comme les alcools, comme le fromage, ça arrive un peu par accident hein, dans l'histoire humaine. À un moment donné, quelque chose fermente et hop, quelqu'un décide de goûter à ça, puis mon Dieu, c'est intéressant, donc on décide d'en produire. Mais c'est certain que c'est associé avec une zone de production ouais. de pommes. Et cette zone-là, on sait que de façon assez certaine, c'est dans le fameux croissant fertile que ça va se passer avec à peu près toutes les autres belles inventions de l'humanité, que ce soit l'écriture ou tout ça. Donc, la pomme commence dans ces endroits-là. On va retrouver des pépins très anciens. On sait que la pomme est cultivée là, depuis plusieurs milliers d'années. C'est probablement un des fruits les plus anciens. Ouais. Donc, qui dit pomme dit justement peut-être expérimentation éthylique avec ce fruit-là qui a quand même une propriété intéressante. Il est très sucré, donc la fermentation peut se produire de façon spontanée assez facilement. Mais qui a été le premier buveur de cidre? Ma foi, ça serait assez difficile ouais. de le dire. Est-ce que c'est dans cette région du croissant fertile aussi? On a plutôt tendance, quand on parle du cidre, à, en tout cas plus récemment, à penser à la Normandie. Oui, tout à fait. le pays naturel du cidre, il serait où? Est-ce que c'est le nord de la France? Est-ce que c'est ailleurs? Bien, en fait, je dirais que ça s'est produit un petit peu plus tard, parce qu'au moment où la pomme probablement arrive apparaît tout à fait spontanément comme fruit, il y a encore des glaciers qui recouvrent une grande partie de l'Europe, ce qui fait que ça va prendre un certain temps avant que les glaces se retirant, que la pomme puisse, elle aussi, en même temps que les populations humaines, progresser vers le nord. Mais effectivement, elle va trouver un terreau tout à fait pertinent, tout à fait fertile et tout à fait adapté à son cycle de végétation dans le nord de l'Europe. C'est ce qui fait qu'on va justement retrouver des fabriques de cidre assez rapidement dans l'aventure humaine. Mm-hmm. Donc, dès la période préhistorique, on va avoir comme ça des pressoirs primitifs qu'on va trouver. On est capable d'associer à la production certainement de moûts de pommes, parce qu'il y a des pépins qui ont été trouvés dans des contextes archéologiques avec ces genres de pressoirs-là. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et puis, cette région géographique du nord de l'Europe, l'âge d'or du cidre dans ce coin-là, ça arrive quand à peu près? Bien, dès le Moyen Âge, on est tout à fait dans l'ère du cidre. On est dans une époque où on a beaucoup d'expérimentation côté alcool. C'est fascinant. Il va se passer des choses du côté du vin, du côté de la bière et du côté du cidre également. Et dans la mesure où la pomme, justement, se satisfait très bien de température un peu plus fraîche par rapport à la vigne, par exemple, qui est plus capricieuse, bien, justement, c'est une culture qui va tout à fait fonctionner dans la frange nord de l'Europe. Et on va retrouver comme ça, on pourrait dire des nations là, abonnées au cidre, abonnées à la pomme, où c'est vraiment le fruit qui est le plus populaire pratiquement tout le Moyen Âge. Et de ce côté-ci de l'Atlantique, donc en Nouvelle-France, pour parler clairement, ça commence quand, l'histoire du cidre? En fait, l'histoire du cidre va débuter avec l'arrivée de Pierre Dugas-Demont et Champlain, tout à fait au début du 17e siècle. Donc, on est vraiment au début des années 1600. Et on sait que ces explorateurs, quand ils arrivent ici, ils se munissent de denrées, de vivres pour faire la traversée. Et parmi ces vivres-là, il y a effectivement des amphores, ou plutôt des outres de terre cuite avec du cidre dedans. Pourquoi pas un tonneau? Tout simplement parce que les tonneaux ont la fâcheuse tendance de fuir et tout ça. Puis pendant une traversée qui est quand même assez longue, c'est pas toujours recommandé de travailler avec du tonneau. Donc, on y va plutôt avec des outres. Ça permet aussi une meilleure conservation du produit. Il y a des témoignages de ça. On en tient compte dans les carnets de Champlain, par exemple. On parle de cidre. Oui, on parle de cidre. Donc, c'est intéressant. Ici, on a un croisement entre les sources écrites. Effectivement, dans les écrits de Champlain, on va parler du cidre. On va avoir aussi les occurrences archéologiques. Donc, quand on retrouve dans des contextes associés à l'établissement de Champlain, ces outres-là avec des dépôts qui sont associés au cidre, justement, on vient vraiment d'avoir une belle configuration, le cidricole ici. Évidemment, ces colons qui arrivent chez nous, qui débarquent chez nous, ils ont apporté du cidre avec eux, qui vient d'Europe. Quand est-ce qu'apparaît, Catherine Ferland, le début de la production de cidre en Nouvelle-France? Le début exact de la production, on peut situer ça autour des années 1630-1640. Je m'explique, c'est que avant ça, on n'a tout simplement pas suffisamment de pommes pour faire quoi que ce soit d'autre. Les premières tentatives, disons, de planter des pommiers, c'est vraiment avec la famille de Louis Hébert, donc la famille Hébert-Couillard. Donc, très tôt. Très, très tôt. On est dans les années 1610-1617, pour être exact. On va commencer à planter des pommiers, des pépins qu'on fait venir de Normandie. Et donc, oui, un beau lien avec la Normandie, toujours. Hein. Et on va planter ces pommiers-là, mais on sait que, ça prend quand même un certain temps entre le pépin et l'arbre. Il faut être patient, on n'a pas des pommes le lendemain, donc ça prend quand même pratiquement une génération là, pour avoir suffisamment de fruits pour procéder, on va le dire, à des expérimentations là, cidricoles. Donc, ça s'entend quand même un petit peu de production de cidre. Les communautés religieuses vont s'y mettre, c'est pas encore de la grande production, mais un petit peu plus sérieusement. Là, un petit peu plus sérieusement, oui. Ouais. On sait que chez les communautés religieuses féminines, par exemple, chez les Augustines, le pommier et la production de cidre, c'était quelque chose d'important. Parce que, quand on y pense, la pomme a longtemps été associée à la santé. Hein, et ça, c'est même dans les écrits des très anciens, là, quand on regarde du côté de l'Antiquité, le lien entre la pomme et la santé. On a encore l'adage populaire, hein, une pomme par jour éloigne le médecin et tout ça. Donc, il y a vraiment cette considération-là aussi qui va apparaître chez les religieuses hospitalières. Donc, chez les Augustines, on va avoir un pressoir. On va produire du cidre plutôt à partir des pommes qu'on fait pousser carrément dans le verger que les religieuses entretiennent. Et ce cidre-là va servir à deux fins. Donc, d'une part, on va soigner les malades. Ça rentre dans le régime des malades, donc un régime de récupération. Encore là, on n'a pas les connaissances scientifiques pour connaître toutes les vitamines qu'il y a là-dedans, mais on s'est bien rendu compte que ça peut avoir un effet intéressant sur la récupération physique. Et d'autre part, ben, on va payer les employés avec ce cidre-là. Donc, dans une large mesure, surtout dans les premiers temps, avant que les importations de rhum et tout ça viennent un peu concurrencer, ben, on va avoir cette utilisation-là du cidre comme salaire, comme paye liquide, finalement. Une culture de la pomme à ce moment-là et des vergers de pommes qui sont surtout sur l'île de Montréal, Québec, île d'Orléans. En gros, c'est ça, un peu à Trois-Rivières. Oui, exactement. Ouais. Voyez-vous, Jacques, il y a vraiment des épicentres de production cidricole qui vont s'établir sur le long du Saint-Laurent. Vous le dites bien, à l'île d'Orléans, c'est un endroit où on va se rendre compte que les pommes fonctionnent bien. Ouais. Et justement, on peut avoir des petits pressoirs et fabriquer un cidre local. Un cidre, je le précise, qui ne voyagera pas beaucoup. On n'a pas encore les techniques pour assurer une conservation vraiment adéquate. Et comme la saison de production du cidre, ben justement, c'est l'automne, on va peut-être essayer de le faire congeler un peu, mais ça ne fonctionne pas très bien. Donc, on le boit à l'endroit où on le produit, ce qui fait que ça demeure un produit vraiment fermier. Mais malgré tout, ça reste, pour toute la période du régime français, assez marginal. Le cidre ne réussit pas à prendre sa place. Et non. Ça reste un alcool de substitution, finalement. Un alcool de substitution, exactement. On s'en rend compte quand on regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau des autres alcools qui sont présents dans la colonie, pour se rendre compte tout simplement que les années où il n'y a pas d'arrivage de bateaux, ou bon, pour toutes sortes de raisons, par exemple, il y a un conflit armé avec l'Angleterre, il y a des corsaires qui pullulent, on n'a pas assez de vaisseaux qui arrivent avec du vin, qu'est-ce qui se passe ici? Hop, on se met à faire plus de bière, on se met à faire du cidre. Il y a vraiment ces alcools-là qui viennent prendre le relais. Hein? Nos ancêtres aimaient boire et ils n'allaient pas, surtout pas s'en passer. Donc, s'il n'y avait pas de vin de France, s'il n'y avait pas d'alcool, s'il n'y avait pas d'eau de vie, ben, on allait en produire tout simplement. Alors oui, un alcool de substitution en grande partie, un alcool fermier, un alcool local, pour dire. Ouais. Arrive la conquête, on passe du régime français au régime anglais. Est-ce que ça a un impact sur la production, sur la consommation de cidre chez nous? Je dirais oui et non. Un impact mitigé, voyez-vous, parce que d'une part, on aurait pu s'attendre à ce que du côté anglais, on savait déjà avec les écrits de Père Calme que du côté des colonies anglaises, il se produisait beaucoup de cidre. Alors, on aurait pu penser qu'avec un afflux de population d'origine britannique à partir de la conquête, puis ensuite les loyalistes qui sont montés ici à partir de la guerre d'indépendance, on aurait pu imaginer qu'il y aurait un engouement pour le cidre qui se serait installé, qui aurait pu donner un coup de fouet à cette production-là ici. Ça s'est fait, mais pas tant. Oui. Ce qu'on se rend compte, c'est que oui, il y avait un intérêt, mais on s'est surtout tourné du côté de l'importation, ce qui est un petit peu questionnable, ou en tout cas un petit peu étrange quand on sait que la pomme fonctionne bien ici, mais on allait plutôt du côté des cidres importés d'Angleterre, par exemple. On arrive au 20e siècle avec ce mystère. Vers 1920 est créée, en fait, la Commission des liqueurs, l'ancêtre de la SAQ. Le cidre va être interdit. Et oui. pendant presque 50 ans. Pourquoi? Ça, c'est un mystère, mais c'est tellement étrange. Une faille dans la loi, un oubli. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Un oubli malheureux. La personne ou l'équipe qui a rédigé la loi qui créait la commission des liqueurs a tout simplement oublié de mentionner cet alcool-là dans la liste des alcools locaux permis. Ce qui fait qu'on n'avait pas le droit, ou en fait, c'était dans une sorte de no man's land législatif. Le cidre n'était pas autorisé parce qu'il n'existait tout simplement pas d'un point de vue légal, ce qui est totalement aberrant. Ouais. Et ça n'a pas empêché les gens, évidemment, de quand même s'organiser pour en fabriquer. Parce que surtout en Montérégie et tout ça, il y a des endroits où l'industrie de la pomme a pris un essor au 19e siècle. Donc au 20e, bon, arrive cette loi qui oublie le cidre. Ouais. Est-ce qu'on allait s'empêcher pour autant d'en faire? Non. Donc ça va circuler sous le manteau, finalement. C'est oui. du cidre de contrebande, artisanal. Bien, c'est drôle à dire. Moi, j'utiliserais pas le mot contrebande. Je dirais, c'est comme une filière naturelle. Les gens savaient, par exemple, que tel producteur de pommes faisait du cidre et en allant aux pommes, ben, ça en procurait tout simplement. C'était pas présenté comme un alcool illégal, puis je pense qu'il y a une majorité de Québécois tout simplement qui n'étaient même pas au courant de cet état d'illégalité-là ou plutôt de cette non-existence légale du cidre. Ce qui fait que, tout simplement, c'était tout à fait naturel d'aller aux pommes et d'acheter du cidre en même temps ou de se rendre tout simplement acheter le cidre. Mais il n'y avait pas de dénonciation comme ça. C'était tellement aberrant que ça ne faisait pas l'objet d'une chasse aux sorcières. Aberrant, et ça va changer. En 1970, le cidre va devenir légal au Québec. L'Assemblée nationale du Québec a étudié aujourd'hui un projet de loi légalisant la fabrication et la vente du cidre au Québec. Michael McAndrew donne d'autres détails. Après environ 30 ans de discussion, la vente et la fabrication de cidre sont devenues légales il y a moins d'une heure au Québec. En présentant son projet de loi, le ministre de l'Agriculture, M. Toupin, a expliqué que le gouvernement donnait ainsi l'occasion à plusieurs pomiculteurs de développer dans la légalité une industrie qui, dans plusieurs cas, est déjà en voie de fonctionnement. En définitive, il sera désormais possible de vendre du cidre de pomme léger et fort dans tous les établissements qui ont actuellement des permis de vente de boissons alcooliques. La seule exception est que le cidre fort ne pourra pas être vendu dans les tavernes. Le cidre pourra également être vendu dans l'établissement où il est fabriqué, à la condition que ce ne soit pas pour consommation sur place. Qu'est-ce qui fait, Catherine Ferland, que Québec finit par allumer, que le législateur québécois légalise le cidre en 1970? Bien, la pression des producteurs, ouais. Hein, parce qu'à un moment donné, bon, justement, faut peut-être arriver en ville et dire, OK, c'est un état de fait et on va légiférer en conséquence. Il y a de la pomme au Québec. Et il y a de la pomme, il y a beaucoup de pommes. Il y a des régions dont l'économie repose en grande partie sur la pomme. Donc, oui, à un moment donné, avec ces pressions-là, on ouvre enfin les livres et on réécrit la loi. Et cette fois, on n'oublie pas le cidre, Dieu merci. Ouais. Et ça va même conduire, donc, à partir du moment où on l'État québécois légalise le cidre, ça va créer un petit électrochoc. On assiste à une espèce d'explosion de la production du cidre québécois. Il y a même comme une naissance d'une industrie qui est en train de poindre. Hey, le temps des fêtes s'en vient, là. C'est-tu le fun, ça, le temps des fêtes, hein? Ben, c'est le fun, mais en même temps, c'est du trouble. Ben, le réveillon, le ragoût, les tourtières, la dinde, les tartes, la bûche. Oh, et puis surtout, la visite. Parce que dans le temps des fêtes, on sait jamais quand la visite va arriver. Ça t'arrive, hein? Des gros paquets de mon oncle, puis de ma tante, puis de cousins, puis de cousines, puis ça, c'est sans compter leur chum. Puis le plus pire, c'est que ça t'arrive n'importe quand, n'importe comment, n'importe combien. Faut toujours être paré. Ben, pour boire ça, c'est simple. T'as posé de 56 000 affaires, juste du bon cidre, c'est assez. Le monde aime ça, c'est effrayant. Ben, c'est vrai que le cidre dans le temps des fêtes, là, c'est aussi traditionnel que le réveillon. Ben, faut dire aussi que le cidre de chez nous, c'est pas mal bon. Passez des belles fêtes, hein? Yvon Deschamps, qui est porte-parole, ça en dit beaucoup, Catherine Ferland, qui est porte-parole en 1972 des producteurs de cidre du Québec, parce que là, il se passe quelque chose. Oui. On se lance dans la production, je pense qu'on peut presque dire industrielle du cidre. Oui, ah oui, oui, on peut oser le mot industriel, parce que c'est vraiment ce qui va se passer, Jacques. Voyez-vous, c'est un petit peu un rattrapage qui va se produire, et malheureusement... Bon, vous savez, la réputation du cidre, surtout dans les dernières décennies, ça a pris du temps. Hein? Quand on interrogeait les gens, aimez-vous le cidre? Souvent, il y avait des résistances en disant, ouais, non, le cidre du Québec, c'est pas bon. Association, en fait, des maux de tête, par exemple. Oui, exactement. Non, c'était ça, hein? Il y avait cette image-là. Complètement. Et ça date justement de cette ouverture de la loi. Parce que dans la précipitation de faire du cidre, ben on s'est mis à cueillir des fruits pas prêts. Donc, des fruits qui étaient vraiment pas arrivés à maturité. On pressait ça dans une extrême hâte pour produire du cidre. Et ça donnait justement un cidre aigrelet, indigeste, difficile à absorber et qui donnait effectivement des maux de tête. Mm-hmm. Puis, ben, ça, malheureusement, ça a coloré la réputation du cidre et pour longtemps. Ce qui fait que, bon, il y a eu quand même un événement climatique qui va ramener les choses un petit peu étonnamment. C'est Dame Nature qui a ramené les Québécois ou les pomiculteurs à l'ordre. Il y a eu un hiver très, très meurtrier, l'hiver 80-81, qui a rayé de la carte plusieurs vergers, entre autres dans la région, bon, en Montérégie et tout ça, autour de Montréal. À Québec aussi, ça a été difficile. Ce qui fait qu'en replantant des pommiers, bon, en essayant de faire une rationalisation, ça a permis de sauver peut-être la cidriculture parce qu'on a pris davantage de soins à aller chercher des, mm-hmm. des pommiers qui allaient bien résister au froid, qui allaient donner des fruits, qui allaient être prêts à temps pour fabriquer le cidre. Et c'est dans ces années-là, un peu plus tard, en fait, autour des années 90, que le cidre de glace va être inventé carrément oui. chez nous. Et ça, évidemment, ça va donner ses lettres de noblesse à notre cidre. Un petit extrait d'un reportage de Raymond Saint-Pierre diffusé au Montréal ce soir en 2003. Les gens qui vont voir ramasser des pommes dans ce temps-ci de l'année doivent vous trouver un peu bizarre, non? Un peu farfelu. Ouais. Ouais, ils disent qu'on est un peu taré de ramasser des pommes dans ce temps-ci de l'année, là. En fait, les pommiculteurs de longue date. Maintenant, ils commencent à savoir qu'est-ce qu'on fait parce que ça fait quelques années. Mais au début, ils se demandaient vraiment, les autres, c'est des gens de la ville, ils n'ont pas compris que les pommes n'étaient pas bonnes. Il existe très peu de ces pommiers exceptionnels qui gardent leurs pommes tout l'hiver. C'est avec ces pommes brunies par le froid, regorgeant d'un sirop dense, une véritable essence de pomme, qu'on fabrique le Frima, un cidre de glace haut de gamme. Et là, la raison pourquoi il faut qu'il fasse très froid, c'est que la pomme, elle gèle plus. Et là, si on la ramasse, mettons, à moins 5, qui semble quand même assez froid, la pomme, elle n'est pas gelée parce qu'elle est concentrée en sucre. Mm-hmm. Et là, le moment qu'on les ramasse, ils vont tous s'effoirer. Ces cidres de glace ne sont pas vendus seulement au Québec. On commence à les découvrir en France. Ils sont déjà disponibles dans plus de 50 points de vente, rien qu'à Paris. Un peu comme le vin de glace qui est fait pour l'Ontario. Nous, on prétend que le cidre de glace pourrait devenir emblématique pour le Québec. Quel impact ça va avoir, la création, l'invention du cidre de glace au Québec, Catherine Ferland, pour les producteurs de cidre, pour l'image du cidre aussi québécois? C'est un effet fantastique. C'est un effet fantastique, il n'y a pas d'autre mot, parce que, effectivement, c'est le premier produit d'appellation contrôlée qu'on va avoir ici, donc le premier IGP en décembre 2014 qu'on va avoir autour du cidre de glace. Et c'est un produit typiquement d'ici. Oui. Contrairement au vin de glace, qu'on en fait de l'excellent ici au Québec, mais qui est quand même... Bon, l'idée à la base, c'est européen, on l'a importé ici. Le cidre de glace, c'est vraiment la synergie entre notre climat puis une idée comme ça qui est venue. Et ça a donné un produit extraordinaire. Et c'est un accident. Vous parlez d'accident au début de l'émission. L'invention de ce cidre de glace-là aussi, c'est presque, passez-moi l'expression, un copier-coller où on s'est dit, tiens, il se fait du vin de glace, pourquoi on fait pas ça avec les pommes? Bien, c'est dans le coin de Dunham qu'il y a eu cette idée à un moment donné. Les producteurs de la face cachée de la pomme ont commencé à travailler l'idée, à se dire, oui, bien, justement, si on utilisait l'hiver pour concentrer les sucres, un peu à la façon du ice wine, est-ce qu'on serait capable de fabriquer quelque chose avec ça? Et bon, après plusieurs essais-erreurs, on peut supposer que ça n'a pas fonctionné du premier coup, mais effectivement, l'idée était là et ça a fonctionné de façon magistrale. Quand on voit aujourd'hui la multiplicité des excellents cidres de glace qui se font maintenant et le marché incroyable que ça a développé, l'image du Québec associée à ce cidre-là est vraiment bonne parce qu'on pourrait toujours discuter de la qualité de nos cidres tranquilles, de nos cidres plats. Il y a de grands concours internationaux où les cidres du Québec se classent extrêmement bien, mais le cidre de glace, lui, vraiment, ça remporte la palme. On a un gros, gros, gros marché du côté de l'Asie, donc au Japon, ce sont des friands. Ils sont très, très heureux d'accueillir le cidre de glace à leur table. C'est un alcool qui plaît beaucoup partout dans le monde. On entendait au tout début de l'émission ce pommiculteur pessimiste en 1975 qui disait « ça coûte cher, on n'a pas encore un marché, tout ça a changé », mais qui disait surtout, puis c'est là-dessus que je veux terminer cette émission avec vous, qui disait « le cidre, c'est pas une boisson nationale. Hein? Ça peut pas concurrencer, disait-il, la bière ou le scotch. » On en est où, les Québécois, par rapport au cidre? Je pense qu'on est à une ère où, justement, on peut s'approprier tout à fait ce produit-là comme étant un produit de notre terroir. Et je crois que, bon, dans une époque où on se cherche un petit peu d'un point de vue de l'identité culinaire, qui sommes-nous, hein? Est-ce qu'on est plus britannique, est-ce qu'on est plus français, qui sommes-nous Québécois comme gastronomes, par exemple. Et le cidre, et particulièrement le cidre de glace, c'est un de ces beaux produits phares que produit le Québec en ce moment. Et je pense qu'on peut tout à fait le considérer comme un de nos produits du terroir et en être très, très heureux. À mon sens, il y a une attache culturelle très forte. On parle quand même de plusieurs centaines d'années maintenant, donc oui, décidément, c'est un produit d'ici. Catherine Ferland, historienne, auteure de Bacchus en Canada, merci beaucoup d'être venue nous voir. Merci. C'est un plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.